Et ce qui passait pour une simple grippe est devenu bien plus sérieux. Le nombre de victimes de cette épidémie augmente maintenant d'une manière exponentielle. En effet, après l'infertilité, voici l'épidémie. Pour la toute première fois de notre histoire, le taux de natalité atteint le chiffre de 0. On déplore plus de 600 millions de victimes au cours de la semaine écoulée. Le monde est en état d'alerte maximum, de Rome à Moscou et de Sydney à Mogadiscio. L'armée semble impuissante face à la révolte de tous ces morts. L'option nucléaire semble même envisagée. Le monde est à genoux. Les groupes néo-nazis s'autoproclament milices de la mort. L'humanité tout entière est en plein chaos. Nous apprenons le suicide du pape à 9h ce matin dans sa résidence du Vatican. Il est mort d'une balle dans la tête. Laissant cette simple note, je ne veux pas revenir. Les Mayas avaient prédit la fin du monde le 21 décembre 2012. Ceux qui daignaient y croire s'attendaient à de grandes catastrophes naturelles, les autres n'y pensaient pas. Tous se trompaient. Ce vendredi-là, une nouvelle épidémie virale s'est répandue, se propageant comme un feu de forêt. D'abord aux États-Unis d'Amérique, puis dans le reste du monde. Ce virus dévastateur tua beaucoup de gens. Le problème, c'est qu'ils ne restaient pas morts. Les contaminés revenaient à la vie, tels à des choses bestiales réduites à errer, s'attaquant à tout le monde pour les dévorer vivants. D'où venait ce virus? Les uns parlaient d'un attentat terroriste à échelle mondiale, les autres d'une punition divine. Ce qui était sûr, c'est que l'humanité n'en avait plus pour longtemps. Le gouvernement américain a mis quelques hypothèses sur l'origine de ce virus. Le virus. Mais rien n'est encore très sûr. On pense que le virus envahit la circulation sanguine à partir de la blessure provoquée par un contaminé et atteint rapidement le cerveau. Le cœur s'arrête de battre au bout de plusieurs heures et la victime devient officiellement morte. Mais le cerveau reste en veille et le corps se réanime après quelques minutes. Sauf que l'individu ne ressuscite pas à proprement parler, mais devient une coquille vide, presque aveugle, en constante putréfaction et dont le seul instinct est de dévorer les gens. Une simple morsure vous suffit pour aller grossir les rangs de l'armée des morts. Les médias ne parlent plus que de ce nouveau phénomène. Les autorités mettent en place des protocoles sanitaires. Des villes, voire des pays entiers sont mis en quarantaine. L'armée est devenue omniprésente. Tout est contrôlé. Mais rien ne semble en mesure d'enrayer la propagation du virus. Des gouvernements tombent jour après jour. L'anarchie prend place et la mort rôde partout. Des gens se suicident pour échapper à cet enfer, tentant de survivre dans un monde devenu fou. L'humanité s'affaiblissait.